17h07 sur Inter, je crois que c'est l'heure de retrouver nos petits Belges. Vous croyez, mais est-ce que vous y avez réfléchi? Mais oui, j'ai un petit peu réfléchi à la question. Et je ne sais pas si vous avez entendu la reine Elisabeth. Vous avez entendu tout à l'heure dans le flash? Vaguement. Elle disait merci pour les jolis messages qu'elle avait reçus de l'étranger. Je crois que c'était pour vous, Charline. Ah bon? Écoutez, ma mère va bien, elle va passer le cap des 63. On est inquiet pour la reine d'Angleterre. Bon, donc tout va bien, jusqu'à présent. Tout va bien. D'ici une heure et demie, elle aura battu son record. C'est le record de la reine Victoria. On va être bien. Elle lui a mis sa race, donc. Très bien. Merci, Maxime Deps. Écoutez comment nous avons préparé, avec toute la conscience journalistique qui nous caractérise, cette émission. Salut les amis. Mais t'as l'air de bonne humeur, dites-moi. On fait un beau métier quand même. C'est vrai que changer le monde, c'est un beau métier. Ce que je veux dire, c'est recevoir des artistes, écouter leur travail, faire leur promo. Qu'est-ce qui t'arrive, Charline, faire leur promo? Les filles, on reçoit qui? Thomas Dutronc. Évidemment, monsieur chante deux, trois chansonnettes. Ça fait trois accords sur un instrument de gitan et puis les filles s'enflamment, c'est ça. C'est une sale race, les guitaristes. Saloperie. Jaloux. Mais non, ça n'a rien à voir avec ça. Écoutez, de toute façon, je m'en fiche. La semaine dernière, vous avez eu Clara Morgan et nous, on a pris sur nous. Cette semaine, c'est un beau garçon. C'est ça. Moi, j'adore Thomas Dutronc. Moi aussi, ma mère adore son père. Ouais, moi aussi, mon astrologue adore sa mère. Et lui, alors Thomas Dutronc, vous l'aimez pas encore? Non, on le déteste. Parce que c'est pas un con. Mais oui. Pardon. Mais parce que c'est pas un con, les beaux gosses talentueux, ils pourraient au moins avoir la gentillesse d'être un peu con. Voilà, et lui, il cumule, en plus, il est sympa. Comment tu veux qu'on adhère? Et nous, on peut être qu'un des deux, puis c'est comme ça. Des deux, mais lequel alors? Comment ça parle? Vous êtes plutôt beau gosse talentueux ou plutôt sympa? Non, mais attends. Moi, je sais ce que je répondrais. Vous répondriez. Ça va, c'est pas nécessaire qu'on vous le dise. Bon, allez, on paye la tournée de café et vous nous dites. Merci. Vous voyez, vous êtes vraiment des gens sympas. Bonjour la France Inter, bonjour à tous et God Save the Queen, au moins jusqu'à 18h30. Vous écoutez l'émission qui emploie l'actualité au noir et voici les trois informations qu'on ne va pas déclarer à la rédaction jusqu'à 18h. Pousser un chômeur dans l'escalier pour décrocher un CDI, c'est le charmant programme que propose une chaîne de télé française, monsieur, ce soir. Et voilà, on est venu là pour trouver du boulot, quoi. Acheter les quotidiens du soir, c'est plein de demandes. Offre d'emploi, qu'ils appellent ça leur piège à bagnard. Le vagin de la reine exposé à Versailles est maculé d'injures antisémites. L'artiste Anish Kapoor tient à tout laisser en l'état, ce que ne comprend pas un conseiller municipal de la ville qui porte plainte. La démarche artistique n'est pas claire pour tout le monde. Mon art impressionne beaucoup par son côté vaginal. C'est ce que dit André Manoukian. Les dynasties françaises ne s'étendent pas que dans les affaires ou le cinéma. Aujourd'hui, même dans le foot, un patronyme peut vous conduire droit au but. Moi, mon avenir est tout tracé. Pas coup, pas bac, je serai ministre au minimum. Et je suis accompagnée donc du fils de Popek, Alex Bizorin. Je le sais, c'est grâce à ses caleçons. Je salue papa. Bonjour Charline et embrassez Jacqueline Maillan. À 17h20 aujourd'hui... C'est pas grave. Si notre invité fait de la musique manouche, nous, on apprend la musique avec Manouk. Et c'est pour ça qu'on progresse que très peu. Bonjour André Manoukian. Bien, bien, bien. Vous progressez très peu parce que vous êtes nul en musique. Mais c'est ça, c'est rien. J'ai espoir. Bonjour Alex, bonjour Charline. Je propose l'excellent album de notre invité. Je ne vais pas révéler son nom. Ah si, non, laissez tomber le teasing. Il s'appelle Éternel jusqu'à demain. C'est un paradoxe philosophique quantique. Chat de Schrödinger, je suis mort et vivant à la fois. Je suis à la fois éternel et en même temps ça s'arrêtera demain. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Je ne comprends même plus les sommaires de Manoukian. C'était pas tant ça, non? À 17h30. Oui. C'est complètement quantique. Continuez le programme, André, ou on y va? Vous commencez votre chronique. Quantique religieux. On y vient. Lui ne progresse pas non plus. C'est même cette régression qui fait son talent. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Moi je me suis intéressé aujourd'hui à la colère des buralistes qui sont opposés au paquet neutre. Je les ai appelés. Mais alors vous êtes favorable à la lutte anti-tabac ou pas du tout? Pas du tout. Voilà, des buralistes cohérents finalement. Et à 17h40, elle nous parle littérature. Pourtant, quand elle évoque Hemingway, on imagine plutôt qu'elle admire son style de vie que son style littéraire. Bonjour Juliette Arnaud. Oui, bonjour. Ben d'ailleurs, je vais vous entretenir de zombies, de méthamphétamine et d'amour un petit peu. Voilà, c'est bon programme. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous Pompidou. Vous prenez votre première cuite. Ça calme. Hein. Il était dans le lit d'hôpital. Non, comme nous, comme moi. Je suis né sous Giscard. Sous Pompidou. Vous prenez votre première cuite à 11 ans avec Serge Gainsbourg en 84. C'est l'année où Téléphone chante Un autre monde et ça n'a jamais été autant d'actualité. Vous collaborez à la musique du film Les Triplettes de Belleville en 2003. L'année où Valéry Giscard d'Estaing devient immortel alors que les diamants sont éternels, je le rappelle. Vous sortez votre premier album Comme un manouche sans guitare en 2007. C'est l'année où DSK devient directeur général du FMI. Vous êtes, je vous laisse nous le dire. Vous êtes... Je suis avec vous. Oui, ouais, c'est bon. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Vous avez fait la même réponse que Clara Morgan qui répondit sur les planches. Généralement, on répond son nom et son prénom, mais c'est comme vous voulez. Ça vous fait un point commun avec Clara Morgan. Oui, bah c'est ça, bien. C'est déjà bien parti. Nous sommes en compagnie de Thomas Dutronc qui va entamer une tournée basée sur votre dernier album qui s'appelle donc Éternel jusqu'à demain. André Manoukian va nous en parler. On va essayer de comprendre, hein, parce que nous on écoutait votre album, on ne sait pas si on va le reconnaître après la chronique de Manoukian. Mais en tout cas, vous partez en tournée. Vous serez par exemple le 30 novembre à Lille ou le 3 décembre à Bruxelles, tiens au Cirque Royal. André Manoukian, montrez-moi un petit peu comment on fait une interview d'un musicos. Alors, j'ai tout à apprendre de vous à ce niveau-là. J'ai essayé un petit peu hors antenne, ça n'a pas très bien marché, donc je me dis je vais vous laisser. Alors d'abord, il faut parler de son ressenti personnel quand on a écouté l'œuvre, le dernier opus pour lequel le il est là. Le ressenti personnel qu'on appelle le RP entre nous. Enfin, parce que... Mais pas pour de vrai. Donc, alors, vous faites genre, c'est bien parce que vous avez pu continuer à la fois sur votre voie et en même temps où vous avez ouvert un petit peu. Ce que je retiens de l'album, par exemple, un album sous le signe d'Aragon et de Gainsbourg, notamment, avec un mélange de dilettantisme, mais très travaillé. Alors ça, c'est intéressant, vous voyez, Charline, parce que, pardon, hein, Thomas, mais vous êtes plus sur le texte, et ça, c'est assez français quand même, on va dire. Vous pouvez y aller, Thomas, on ne posera pas de questions. C'est vrai, je suis d'accord. Ouais. Les journalistes français posent toujours des questions sur le texte. Ouais. D'ailleurs, le public français ne sait pas taper des mains aussi, non, tu sais, t'as remarqué, il ne swing pas, il tape sur les premiers temps. Mais c'est parce que je ne m'y connais pas tellement en musique. Au lieu de taper sur la je suis sensible à la mélodie, mais je suis plus sur le texte. Sur le premier temps que sur sa femme. En tout cas, par exemple... Surtout au concert de Bertrand Cantat. Une première question concrète qu'on peut poser. Voilà. Alors, par contre, ça, j'ai du mal avec les questions concrètes. Moi, j'en ai une. Voilà. J'en ai une. Alors, je vais commencer, je vais prendre la main. Sinon, en indice en bas de votre écran. Court, qui marche aussi. Ce sera peut-être une question con. J'ai lu que avant votre album, avant qu'il sorte, vous êtes quand même déjà parti en tournée en amont. Ouais. Ce qui se faisait moins ces derniers temps. Oui, j'étais en Marcel Amont. Je n'ai pas gagné. Dans l'idée de tester vos chansons. Alors, est-ce que vraiment, c'est un véritable test. Qu'est-ce qu'on fait quand on a testé ces chansons sans sortir l'album? Est-ce que ça se ressent dans l'album? Il y a des choses que vous avez changées. Et maintenant, dans la tournée, qu'est-ce que ça va apporter? Je remarque une triple question. Une question à escalier. Une TQ, comme on appelle dans la. C'était sympa de. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné. J'avais très envie de faire quelques dates comme ça pour tester les chansons avant de les enregistrer. Et on est parti à 4 sans batterie comme ça en acoustique. On a fait des à Paris. On a fait la Nouvelle Ève qui est une toute petite salle pendant 10 jours. Et puis on a fait plutôt des festivals de jazz et tout ça. C'est parfois avec quelques invités prestigieux. Et c'était hyper sympa. Donc vous cherchez une forme d'efficacité sur l'album. Mais en même temps, on faisait semblant dans ce spectacle que les chansons étaient pas finies, qu'on les testait, mais en fait, tout était quasiment fini. Il y a une fois ou deux où j'essayais des choses, il y a quand même des choses qu'on changeait, mais c'était du faux, pas prêt. Mais après, oui, ça m'a fait du bien parce que, c'est bien de chanter les chansons avant de les enregistrer en studio un petit peu. Et là, du coup, pour la tournée, alors pour répondre à la troisième question en une, là maintenant, donc on a enregistré en Angleterre avec un son très pop, avec des super musiciens, qu'on travaillait avec des grands noms et tout ça. Et là, maintenant, on est en train de retravailler la version qu'on va proposer en live, qui finalement, après diverses interrogations et divers diverses explorations. Finalement, je pense que justement, on va mélanger en fait le son du disque et le son un petit peu acoustique de la nouvelle ère. C'est-à-dire, ça va être, ça sera un peu tout à la fois. Quoi. C'est ce que, voilà. Mais c'est, comme, c'est, comme, c'est comme ça que faisaient les jazzman autrefois. C'est-à-dire que les chansons, c'était logique de les enregistrer quand on les a bien. Le mot testé est horrible, mais quand on les a bien, quand on les a fait vivre, quand on a vu les réactions du public, quand on a vu à quel moment la troisième fille de gauche tombait dans les pommes et tout, donc ça nous donne des repères. Et en plus de ça, c'est dans le monde du jazz, quand on sait jamais trop ce qu'on va faire un petit peu à l'avance, on a besoin de la scène à un moment donné pour fixer les choses. Et un artiste qui se respecte comme mon voisin de droite là, et ben on a besoin de ça pour faire des trucs vrais, quoi. Vous cautionnez, c'est vrai, Thomas Dutronc. En studio, on met tout en concert, il y a un côté un peu... Non, tu dis voisin de droite, on est sur France Inter, ça me fait gaffe. Faites gaffe, faites gaffe. Tiens, est-ce que dans le reggae, il y a un côté jazzy, Thomas pas Dutronc? Pas du tout, mais oui, non. Est-ce que ce serait pas un jazz sous l'exomile ou un truc comme ça? C'est plus de la marijuana. Non, mais en tout cas, enfin. Le reggae, c'est du rock avec la caisse claire décalée. Mais c'est C'est quoi, je vous laisse Bob Marley pour réfléchir, on en parle après. En tout cas, dans le ressenti, ça swing, ça tourne, ça groove, donc c'est ça qui est important dans le. Mais la musique de Bob Marley, ça se qualifie pas, c'est la musique de Dieu. Voilà. On est d'accord. C'est ça qui compte. Ouais. Arnaud nous demandait, vous demandez, Thomas Dutronc et André Manoukian, jamming, ça veut dire quoi? Thomas, ça veut dire faire une jam, hein. C'est comme Charles Aznavour quand il dit pour faire une jam, faire le bœuf. Sur France Inter. Jouer mais il y a une extension du sens. Mélangeons nos fluides. Ouais. Eh bien, vous avez entendu. Je vous remercie. Par contre, sur une musique corporelle à deux, improvisée. Nous avons entendu presque toutes les voix. Celle d'André Manoukian, celle de Juliette Arnaud. Guillaume Maurice en musique, en général, il n'intervient pas. Je ne me prononce pas. Et notre invité, Thomas Dutronc. Allez, il est temps de remplir notre mission d'information. C'est l'heure des actualités radiophoniques. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. On commence par les titres de cette édition. Nicolas Sarkozy a de nouveau obtenu un non-lieu dans une affaire. Alors dans ce cas-là, toute la rédaction et moi-même, on ne peut que féliciter son avocat pour ce nouvel exploit. Réfugié, une caméra-woman hongroise a été filmée en train de faire un croche-pied à un réfugié poursuivi par les policiers. BFM TV a montré cette vidéo à ses journalistes pour donner l'exemple. Et pour terminer, des brèves imposées par mon collègue de travail. On commence par Nicolas Sarkozy. Oui, il a obtenu un non-lieu général dans l'affaire des frais de campagne payés par l'UMP. Voilà, toute l'équipe tient donc à s'excuser. On fait un gros mea culpa. On s'est beaucoup moqué de lui. Il s'avère qu'il était totalement innocent. Donc on ne fera plus de vannes sur cette affaire. On se concentrera uniquement sur les 6 autres. Nicolas Sarkozy toujours, qui a utilisé un jet privé pour assister à 2 meetings ce week-end. Jet payé par les Républicains. Coût estimé 25 000 euros. Voilà, mais je trouve ça très très bien que les Républicains s'en cachent pas. Parce que pour les gens qui à l'époque avait donné à l'UMP, je crois que c'est bien de savoir où va leur argent. Voilà, alors pas d'inquiétude, puisqu'un porte-parole des Républicains a déclaré dans la presse, je cite, « La situation financière des Républicains est remise sur de bons rails. » Ah, pourtant croire qu'elle est plutôt dans les airs. Politique toujours, ce matin, Barouin était l'invité de Patrick Cohen pour la deuxième partie de l'interview, les traditionnelles questions des auditeurs qui téléphonent. Écoutez qui a appelé. Au standard de France Inter, une ministre. Bonjour Marie-Lise Le Branchu. Bonjour. Vous nous avez appelé pour répondre à François Barouin sur la question abordée tout à l'heure de la baisse des dotations de l'État aux communes. Marie-Lise Le Branchu a téléphoné. Oui, les politiques, quand ils ne sont pas invités, ils s'invitent. Donc, chers auditeurs, si vous avez des questions, allez à l'Assemblée et dites-leur qu'ils nous en doivent une. Médias, un obstacle de plus à ajouter au parcours des réfugiés. Oui. Les barbelés, la Méditerranée, les passeurs, la police et maintenant une journaliste hongroise. Oui, heureusement que ce n'est pas elle qui a découvert le petit Thaïlande. Elle a fait un petit château de sable au-dessus. D'après le Canard Enchaîné, le flicage... Elle est un peu dure, mais elle est engagée. Je n'avais pas lu avant. Je l'ai gardé dans ma voix. J'aurais dû. D'après le Canard Enchaîné, le fichage secret des salariés à France Télévisions était généralisé. Oui, France au revoir. Télé. C'est la fin de cette édition. Et de cette émission. C'était engagé. Merci Thomas Dutronc. France Télé fichait secrètement ses employés avec des commentaires sur leur performance, parfois très sévères, et on a retrouvé quelques fiches d'employés de France Télévisions. Oui, Patrick Sébastien démontre un niveau de raffinement et un niveau de langage plus approprié pour un manœuvre de chantier que pour un animateur. Nelson Montfort a une voix pour le moins agaçante. Nelson Montfort has a very annoying voice. Michel Drucker, quand on regarde vivement dimanche, on a soudainement envie d'être lundi. Julien Lepers, un indice sur votre fiche, indice changer de chaîne. Le Canard Enchaîné à présent, qui annonce déjà qu'il fêtera son centenaire l'année prochaine. 100 ans, et bien il ne les fait pas, hein. À part le graphisme, la typographie et la mise en page, on ne dirait pas. Une page société. Oui, l'absentéisme, un mal en progression dans les entreprises en France. En 2014, un salarié français était absent 16 jours en moyenne. C'est pas énorme, hein, 16 jours, c'est à peu près le nombre de présences d'André Manoukian dans cette émission. Une page culture. Oui, écoutez-moi ça et trouvez qui chante. Au moins il va mieux, car Dieu a bientôt et l'Ivangéro. C'est Poutine. Non, c'est en France, c'est un chanteur français. Mais c'est bourré. Non, c'est Maître Gims qui chantait. Et ouais, donc ses parents lui faisaient écouter Pavarotti et il a fini Maître Gims. Espérons que ça marche dans les deux sens, car beaucoup d'enfants aujourd'hui écoutent Maître Gims. Une page sportive. Oui, le sport. Le fils de Zinedine Zidane, gardien star de l'équipe de France des moins de 17 ans, a répondu dans un interview. Je pense avoir des traits communs avec Fabien Barthez. Fabien Barthez a immédiatement nié avoir connu la femme de Zinedine Zidane. Et enfin, deux grosses informations du journal 20 minutes. Voilà, première info, déçu du résultat, il tue son chirurgien esthétique. Ben oui. Quelle descente aux enfers, ce Mickey Rourke. Et enfin, une nouvelle terrible, le chapeau de Geneviève de Fontenay dérobé en pleine rue. C'est vrai, je vous lis l'article du 20 minutes toujours. Hein. J'aime bien lire 20 minutes, ça me rappelle mon temps de travail pour cette rubrique. Donc, je lis l'article. Elle faisait un tour en décapotable à la foire au melon de Chigna quand un malotru a décidé de lui arracher son chapeau. Non, bah non. Si, si, on a découvert qu'en fait, depuis le début, c'était Nicolas Canteloup. Thomas Dutronc est avec nous. Son nouvel album, c'est Éternel jusqu'à demain. Vous le savez parce qu'il est sorti en mai et qu'on vous a beaucoup entendu. Puis comme il y a eu grève à Radio France, il est passé en boucle. Donc... Ça va les droits d'auteur? Ça se passe bien? Mais il est passé avant ou pas? Vous entamez une tournée hein, le 9 décembre à Angers, le 10 décembre à Lyon, 14 et 15 décembre à Paris au Casino de Paris. Et on parlera de votre heure avec André Manoukian tout à l'heure. Pour l'instant, premier sujet. Comme l'écrit Virginie Despentes dans Vernon Subutex, élimine ton prochain. Oui, c'est le dernier commandement imposé par les téléréalités. Et ce soir sur M6, élimine ton prochain, surtout s'il est chômeur. Des demandeurs d'emploi s'affrontent pour décrocher un vrai boulot proposé par un vrai patron hein, qui n'est sans doute, bien sûr, qu'un faux enculé. J'ai envie de le dire. À toi l'enfant qui vient de naître, je dois dire pour être honnête que ce n'est pas en travaillant on trouve le bonheur sur terre. J'en veux l'exemple que mon père, qui vit le jour de son enterrement, qu'il était le plus riche du cimetière. Sois feignant, sois feignant, tu vivras content. Ah ouais, sauf qu'on en est là. Ça s'appelle The Apprentice. Qui décrochera le job? 14 candidats chômeurs, des épreuves en équipe où il faut ensuite désigner le maillon faible. Et le vainqueur décroche un CDI chez un patron qui d'ailleurs présente l'émission. Est-ce que ça ne vous donnerait pas envie, vous, de vous inscrire juste pour ruiner sa boîte au type? Mon Dieu. C'est atroce, c'est terrible. Hein, si on en est là, c'est dingue. Vous m'écoutez la radio, franchement. On pourrait s'arrêter là, c'est déjà une bonne conclusion. Non, mais c'est, ça a l'air épouvantable. J'ai lu que vous citiez souvent un de vos amis qui a dit « J'adore mon travail, mais j'en ferai pas mon métier ». Vous avez un petit côté feignant quand même, vous? Oui, parce que pour travailler la guitare et tout ça, c'est bien d'avoir envie et d'être. Donc il faut se sentir bien. Mais je me rends compte que quand je travaille pas ma guitare, je suis malheureux. Donc finalement, c'est. Mais ça peut paraître un peu feignant de travailler la guitare comme ça. Mais non, je suis pas vraiment feignant. Mais j'aime bien avoir le temps de vivre. C'est vrai que je travaille mieux en Corse, par exemple. Je préfère travailler tous les jours de la semaine. 5 heures ou 6 heures. C'est une réponse de fainéant, je travaille mieux encore. Ouais, mais c'est... Et quand vous voyez ce. Vous êtes très étranger. Par comparaison. Voilà, parce que je suis. Comment on appelle ça? Je prends le contre-pied. Alors, vous êtes étranger au monde de l'entreprise. C'est un je suis anticonformiste, c'est pour ça. Vous êtes étranger au monde de l'entreprise. Est-ce que vous le regardez de quel œil, surtout quand vous voyez qu'on en vient là pour décrocher un CDI, c'est-à-dire faire une émission de télé-réalité et pousser l'autre dans l'escalier pour décrocher le job? Vous dites finalement, je suis bien content de ne pas y être. Je regarde beaucoup de films et de séries, enfin beaucoup de séries, trop d'ailleurs, mais je ne regarde plus la télé. En fait, j'ai carrément plus la télé parce que soit je passe trop de temps à regarder parce que je me dis. Je suis hypnotisé par ce qui se passe parce que ça, je suis affligé ou atterré, soit il y a vraiment des choses qui peuvent m'intéresser, soit un débat. Enfin, ça me prend un temps fou, donc j'ai arrêté de regarder la télé, mais c'est vrai que c'est un peu sidérant. C'est quand pourtant même le miroir de la société. C'est un peu sidérant. Je trouve qu'il y a tellement mieux à faire qu'il y a écouter de la musique, aller boire un verre, parler avec des gens. Qu'est-ce que vous pensez des émissions de télé-réalité qui révèlent des chanteurs? Et qui passeraient sur M6. Non, je pense que. Non, je pense sur D8. J'en pense que c'est très bien que ça. C'est très bien, ça a donné un espèce de goût de la chanson. Ça a poussé un petit peu, je trouve, la France et tous les Français à aimer à nouveau la chanson française et tout ça. Donc ils ça ont fait aimer le patronat. Ça a fait beaucoup pour la chanson, je trouve. Après, toute chose a toujours des effets pervers et donc je trouve que c'est vachement bien et que ça révèle de vrais artistes. Mais est-ce artistes que c'est pas la même logique de compétition? Ça révèle de vrais artistes. Après, le souci c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut passer par là. Enfin, c'est-à-dire que maintenant ça réduit. On est dans un monde de toute façon où c'est. Il y a beaucoup moins de diversité, en fait. Il y a 5 trucs qui cartonnent et après le reste est vraiment derrière. Enfin, il y a un côté comme ça, quoi. Vous pensez peut-être à André Manoukian, Guillaume Meurice, quand vous posez ces questions. Quand on est vu à la télé, quoi, les gens achètent plus volontiers. Il y a un truc comme ça qui est un peu pervers, quoi. Mais bon, c'est pas forcément la qualité. Mais heureusement, parlons-nous à la radio, Thomas Dutronc, avec André Manoukian. C'est parti, dernier album. La guitare est devenue espagnole, voire mexicaine. La caisse claire militaire sonne la charge de la cavalerie. Les accords qui tournent en boucle dans l'arène d'un duel au soleil en travelling circulaire façon Sergio Leone. La guitare surf des 60s en shadows morriconien. La cloche tubulaire franciscaine qui sonne le glas pendant que les péons se signent. Toute la mythologie des musiques de western est présente. Le décor est planté dans Aragon, le premier titre de l'album de Thomas, Éternel jusqu'à demain. C'est pas celui qu'on écoute là. Thomas Dutronc. Bon, c'est chez les Yéyés, la reprise de Gainsbourg. Thomas... Il a fallu que j'apprenne mon propre solo d'ailleurs, une fois pour faire un playback à la télé. J'ai mis une heure. Ça, c'est chiant de refaire les solos qu'on fait spontanément. Thomas est définitivement un cow-boy chantant. Il voulait être guitariste de jazz. En fait, il voulait pas chanter, mais allez savoir pourquoi. Dans les maisons de disques, c'est un peu comme dans les banquets. À la fin, il y a toujours un gars un peu bourré qui crie une chanson, une chanson. Et Thomas, qui est un gentil garçon qui ne sait pas dire non, y a été de sa voix. Bien lui en a pris, car Thomas Dutronc n'est pas qu'un singing cowboy. Il est un CWA. CWA, ça veut dire crooner with attitude. Un crooner qui a du caractère. Crooner, ça vient de l'anglais. Merci. Ça vient de l'anglais, tout croon, murmurer. Un crooner est donc un gars qui murmure à l'oreille des filles. Et c'est bien connu. Les femmes bandent avec leurs oreilles. C'est le divin Marquis qui disait ça. Le Marquis de Sade. C'est bien connu de vous. Parce que moi, je ne le savais pas. Le Marquis de Sade qui disait ça. Rien à voir avec Sade, la crooneuse, bien qu'elle soit aussi super bandante et pas que des oreilles. Nous voilà au cœur du problème. Charline, on vous voit sur votre casque. L'éros du chanteur. Chanter, c'est faire du charme. Et c'est ça que n'aimait pas Platon, ni les talibans. Pour lui, il y avait deux voix. Comparaison qui fera plaisir à Platon. D'un côté, et ouais, moi je suis pour Démocrite contre Platon. D'un côté, pour Platon, il y a une musique qui élève l'homme vers la spiritualité. C'est la musique apollinienne, ça c'est la bonne musique. Et de l'autre, une musique qui le ramollit, qui le rend idiot ou exalté, qui le manipule enfin. Une musique qui charme, c'est-à-dire qui nous enlève à nous-mêmes, qui nous ôte soudain le discernement, qui nous rend con comme un tuyau qui vibre. Évidemment, c'est la musique qu'on préfère, en tout cas. C'est la seule qui vaille. La dionysiaque, c'était aussi celle préférée de Nietzsche, celle qui provoque l'extase. En grec, extase, extasie, sortir de son corps. Je suis sûr que c'est un sentiment que vous avez déjà connu, Thomas Dutronc. L'extase musicale. Tout à l'heure, on a parlé de Yannick Duff qui est sorti de son corps. En concert, cependant, Thomas, choisissez bien votre voisine parce que quand on sort de son corps, il ne s'agit pas de se retrouver dans celui de n'importe qui. L'extase musicale en arabe, ça se dit le tarab. Tarab, c'est ce mot arabe qui veut dire l'extase, mais provoquée uniquement par la musique. Le tarab, suivi du suffixe occident d'our, j'ai déjà dit ici, mais la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Oui, c'est d'our, minimaliste, hein, d'ailleurs. D'our, ça veut dire... C'est pour ça qu'on fait toujours la même chronique. Celui qui fait le tarab d'our... Parce qu'on est d'our d'oreille, pardon. Je ne vais pas y arriver. Celui, pas la planche, hein, celui qui provoque l'extase par la musique, ça donne le troubadour. Nous voilà avec un pédigré qui s'étoffe. Thomas Dutronc, tarab d'our de Balagne, cow-boy chantant, crooner with attitude. Si je vous dis tout ça, Thomas, c'est parce que toutes ces étiquettes qu'on vous colle sur le dos, ça vous inquiète. Comme vous le dites, texto, dans une chanson, vous posez la question existentialiste. Charline, qui je suis quand je ne suis pas dans ton lit? Enfin, c'est une chanson de Thomas. Ah, j'en profitais pour vous attraper la main. À noter dans cette chanson un magistral solo à la Django. Et ça, c'est lui qui joue, mon pote. Parce que c'est lui, finalement, le seul, le vrai, celui qui vous a donné votre colonne vertébrale musicale. Pas le Django Unchained de Tarantino, même s'il est respectable, mais le Reinhardt. Le Django Reinhardt, celui qui se permit de faire poireauter Duke Ellington 2 heures sur la scène de Carnegie Hall, tout ça parce qu'il buvait des coups avec son copain Marcel Cerdan. Et ça, vous en rêvez, Thomas, on en rêve tous d'avoir les guts de tout envoyer balader pour une futilité. Vous le dites dans votre chanson, je me fous de tout. Si ce n'est pas facile de rester au bar et de garder son style, c'est encore vous, Thomas. Une chose est sûre, c'est que même si vous aimez les accords diminués, ceux qui font les transitions les plus élégantes, ceux qu'aimaient beaucoup Jean-Sébastien et Django, vous seriez plutôt un chanteur augmenté. Parce que des gars qui poussent la chansonnette, il y en a des centaines par siècle. Mais des gars qui ont du style, ça se compte sur les 3 doigts de la main gauche de Django. Tout le monde Bravo. Est là, sous la tente blanche, tailleur et cravate, habille ce dimanche. Il peut dérire cinquième, quelqu'un tient debout dans son verre un poème. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe. Pendant ce temps-là, allongé dans l'herbe. L'après-midi danse, un tango curé, le soleil immense nous a maquillés. On revoit des gens qu'on n'a jamais vus. On s'ennuie vraiment et c'est sans issue. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe. Pendant ce temps-là, allongé dans. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe. Dans l'herbe, avec vous sur France Inter, Thomas Dutronc, un extrait de son nouvel album Éternel jusqu'à demain. Vous entamez une tournée, vous serez notamment le 9 décembre à Angers, le 10 décembre à Lyon, puis des dates à venir en 2016. À cette heure-ci, Thomas Dutronc, sur cette antenne, Guillaume Meurice sévit chaque jour. Un autre moment. Crooner. Top, top, top, top, top, arrêtez tout. Le gouvernement a pris une mesure. Et oui, c'est incroyable. Si, c'est vrai, je vous jure, la ministre de la Santé a décidé de mener une guerre féroce à l'industrie du tabac en imposant des paquets neutres. Alors d'habitude, c'est Manuel Valls qui déclare la guerre aux gitanes, mais là, c'est Marisol Touraine. Vous l'avez ? C'est bien. Alors, les paquets ne seront pas neutres. Il y aura plus de marques. Si, il y aura des marques justement, mais il y aura toujours dessus les fameuses photos de radio, de cancer du poumon, de la gorge et de Michel Houellebecq. D'ailleurs, c'est vrai, c'est comme sur les bouquins. Vous avez vu, maintenant, on met la tête de l'auteur sur la couverture. Eh bien, c'est pour savoir à quel risque vous vous exposez en le lisant. Si vous lisez Guillaume Musso, vous deviendrez un peu niais, comme lui sur la photo. Finkielkraut un peu hargneux. Et puis, si vous lisez Alain Minc, pas besoin de photo, votre vie est déjà bien pourrie. En ce qui concerne les paquets de clopes, les buralistes sont donc furieux et un comité est farouchement opposé à cette réforme. C'est le mouvement éthique dont la présidente n'est autre que Sophie de Menton, que nous connaissons bien ici. Votre et copine. Oui, mais oui, c'est elle qui a créé la journée. J'ai ma boîte, j'ai ma boîte, j'ai ma boîte, et moi je l'assume. Et voilà la journée, j'aime ma boîte. Voilà, je vous ai remis la chanson dans la tête pour la journée. Ne me remerciez pas, emmerder les gens, c'est mon métier. La fameuse chanson chantée pour l'occasion par Manolo des Gypsies, que vous avez peut-être reconnu, juste pour dire à Thomas Dutronc que des fois, un manouche sans guitare, c'est quand même vachement mieux. Revenons à Sophie de Menton qui aime donc les entrepreneurs. Elle est donc de tout cœur avec les buralistes. Tiens, qu'est-ce qu'elle pense du fameux paquet neutre ? Je suis pas très favorable au paquet neutre. Je pense que là encore, on attaque tout un secteur qui est le secteur de l'impression, qui est le secteur de la créativité, des dessinateurs, etc. Je pense que ah bah il y aura des photos à la place. Donc ça va relancer l'industrie de la photographie. Alors on peut imaginer ça, oui, que ça peut relancer l'industrie de la photographie. Je pense surtout que ça va créer des faux étuis. Ah bah c'est super alors pour vous. Il y aura des faux étuis. Que oui, ils sont en train de créer des étuis palliatifs. Non, ce que je veux dire que les. Ah bah alors ça relance la croissance, ça relance l'économie. Vous disiez que vous étiez contre au début, c'est pour ça. Oui, je suis pas violemment contre. Voilà, on progresse. Elle pourrait même être gentiment pour dans pas longtemps. Et pas seulement en ce qui concerne les paquets neutres, on progresse, mais plus globalement sur la lutte anti-tabac, car le mouvement éthique a un partenaire un petit peu spécial. Nous sommes partenaires de SOS Addiction. Mais alors attendez, la cigarette c'est une addiction, il me semblait moi. C'est ça qui me paraît. Mais c'est pas du tout contradictoire. Le tabac est quelque chose qu'on peut acheter et on est libre de l'acheter. Mais oui, mais vous souhaitez qu'il y ait moins de fumeurs. Oui, mais alors quel est le problème ? C'est deux sujets différents. Mais oui, mais ça va causer la mort des buralistes. Mais ça va pas causer, ça causera la mort des buralistes certainement pas, malheureusement à court terme. Oh là là, attends. Quoi ? Comment ça, certainement pas, malheureusement à court terme ? C'est pas très clair ça, Sophie, parce que si les gens ne fument plus, on est mal. C'est une industrie qui crée de la croissance et qui lutte en même temps contre la surpopulation. Moi, j'étais très très inquiet, mais Sophie m'a rassuré. n'y a plus de marché, il n'y a plus de marché. Je ne vais pas défendre le marché du tabac. Je vais défendre des commerçants qui vendent autre chose que du tabac. Ah, vous défendez les buralistes parce qu'ils vendent des timbres et des bonbons? En particulier. Ah, d'accord. Ils vendent ce qu'ils veulent, bien sûr que je les défends, parce que ce sont des commerces comme les autres. Mais bien sûr, d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on appelle encore ça bureau de tabac. On devrait les appeler bureau de bonbons. Et puis c'est tout. Tiens, d'ailleurs, appelons un bureau de bonbons du côté de Marseille. Je suis fumeur déjà. Et depuis tant d'années, le tabac, ils ont dit que ça portait ci, ça portait là. Alors que les cigarettes, c'est bon pour la santé. C'est du tabac, c'est une plante. Ben voilà, c'est une plante. Boire une verveine ou la fumer, c'est pareil, c'est naturel. C'est comme l'uranium, les amanites phalloïdes ou le coup de pied dans les testicules. Tout ça, c'est la nature. Et puis les paquets neutres, ça pose un autre problème. Demandons à un buraliste du nord de la France. C'est pas gay, quoi. Il y a des enfants qui rentrent pour chercher des bonbons, ils vont voir des images affreuses. Moi-même, pour ranger, ça risque d'être compliqué. Ouais, ça donne pas aux enfants envie de fumer, quoi. Non, ça c'est sûr. Et ben voilà, comment on va faire si les enfants n'ont pas envie de fumer, bordel? Comment ils vont manger, les buralistes, après, hein? Alors, fumez des clopes, merde! Pour faire vivre les buralistes, vous devez crever, c'est comme ça. Et puis, dédramatiser un peu, c'est chouette, la mort. Quand vous serez 6 pieds sous terre, dans votre petit cercueil, dans votre petite boîte en bois, eh ben, vous pourrez chanter. Merci Guillaume Meurice. Jusqu'à quel niveau les Gypsy Kings, c'est quelque chose qui vous a marqué, donné envie? Non, alors moi j'ai vu Paco de Lucía 2 fois en concert, ça c'était génial. Ah, oui. Mais la musique, moi que j'aime de Django Reinhardt et de plein de guitaristes manouches, n'a rien à voir avec la musique gitane espagnole, mais vraiment rien. J'aime ma boîte, pas d'influence. Donc, on l'aura retenu. On va aborder le sujet numéro 2 avec vous. L'artiste Anish Kapoor et le château de Versailles ont décidé d'un commun accord de laisser les inscriptions antisémites sur le Dirty Corner, appelé plus communément, le vagin de la reine. Mais un conseiller municipal de Versailles porte plainte contre Anish Kapoor pour incitation à la haine raciale, parce qu'il laisse les inscriptions. Oui, la tête de Gilles Sardou déjà, bah ouais. Pourquoi écouter ce document où l'on comprend que la dernière expo d'art a choqué le conseiller à Versailles? Écoutez. Tu avais 1000 fois raison, on aurait dû aller voir les Étrusques. Mais Hervé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe tout simplement que j'ai peur. Peur? Oui, peur. Pour la culture, pour l'art, pour la communication entre les hommes. J'ai peur pour la planète. J'ai peur pour nos enfants. Et puis surtout, j'ai peur pour nous, Thérèse. C'est juste une exposition, Hervé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est peut-être juste une exposition, mais le résultat, c'est que tu es bouleversé par 350 photos de bites. Si, 350, côte à côte, ce n'est pas moi qui les ai comptées, elles sont numérotées. Moi aussi, figure-toi, je suis totalement bouleversé de te voir bouleversé par 350 photos de bites. Bon, ça suffit. Où tu vas? Thérèse, tu vas acheter le catalogue? Thérèse, tu vas acheter le catalogue ou tu vas pas acheter le catalogue? Thérèse, je te pose une question! Un extrait de Muséo, Musée Bas. Donc, Anish Kapoor veut conserver en l'état son œuvre vandalisée. Vous comprenez ça, Thomas Dutronc? Voilà, il y a un message. Alors, il dit, c'est pour en faire un mémorial de notre honte. C'est un peu compliqué. J'ai pas tellement d'avis sur ce. Est-ce qu'on a déjà vandalisé une de vos chansons? Voilà, par exemple. Massacré. Moi-même, je le fais parfois. Ouais. J'ai pas osé le dire. Non, oui. Alors, si on reprend rapidement les choses dans l'ordre, c'est que couper la tête d'une reine, ça gêne personne, mais exposer son vagin, apparemment, ça gêne des gens. Mais voilà, j'ai pas vu ni le vagin, ni rien. Enfin, Vous avez jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30 novembre. Ça a l'air compliqué. Je veux dire que c'est la seconde fois qu'elle est vandalisée. Et la première fois, il avait fait enlever. Ah, et puis il s'est dit, on a la solution. Je pense qu'il y a un moment, voilà. Il en a eu marre. Et puis voilà. Oui, donc, si on passe à Juliette Arnault, je pense que c'est plus intéressant. C'est un sujet rapidement. C'est pas une super polémique. Non, je pense qu'on a une solution. J'annonce, il y aura moins de vagin. Enfin bon. D'accord, mais c'est pas grave. Thomas. Oui. Il y a des livres qui vous sifflent. Vous êtes dans une librairie, il y a les 589 livres de la rentrée littéraire 2015 qui sont là. Vous savez que vous réussirez jamais, de toute façon, à les lire avant la rentrée 2016. De consternation, vous êtes prêt à vous tirer de la librairie et puis un livre vous siffle. Et c'est celui-là dont je vais vous entretenir, Déchiré de Peter Stenson. Oui, Alex, peut-être c'est le titre qui m'a sifflé. Mais c'est surtout la phrase d'accroche, la catchline, qui m'a fait éclater de rire. Alors que franchement, les librairies, c'est comme les églises ou les sex shops, on se tait, on parle bas, et surtout, on ne se marre pas. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. La phrase c'est vrai. J'ai peut-être raté ma vie, mais au moins, j'ai toujours ma tête et mes bras. Bref, je ris, je prends le livre. Le livre, C'est l'histoire de Chase qui se réveille difficilement de 7 jours de consommation de méthamphétamine. Alors pour ceux qui ne savent pas, la méthamphétamine, c'est une drogue dure qui se fume et qui s'injecte, qu'on voit beaucoup dans Breaking Bad. Chase regarde par la fenêtre et voit une petite fille avec des mignonnes chaussettes à motif parapluie face à un Rottweiler. Même embrumé, Chase se dit qu'il faut faire quelque chose, que le chien risque de faire du mal à la gosse. Sauf qu'il n'a pas le temps de bouger, la gosse égorge le chien. Oui, oui, voilà, c'est ça, je ne me suis pas trompée. La gosse égorge le chien. Ouais, alors, c'est moins pire que l'inverse, vous allez me dire, mais c'est pas super drôle non plus. C'est marrant les livres qui la sifflent. Mais c'est normal, parce que comment on va le découvrir en même temps que Chase, la fin du monde est arrivée, un virus abominable a transformé les humains en zombies, même les petites filles à mignonnes chaussettes à motif parapluie. Tous les humains, ou presque, puisque Chase et son pote de drogue, Steno John, sont eux bien vivants. Mais alors pourquoi, Charline ? Pourquoi pas eux ? Parce que seuls les drogués à la meth résistent au virus. Bon bah là, je ris à nouveau. Enfin, la fin du monde, vue par un prisme parfaitement amoral. Mais c'est au deuxième degré le livre ou pas c'est... Du tout. D'accord. Pas du tout, faut sinon dire, j'aurais pas ri autant. Le mec qui survit n'est ni un policier, ni un docteur, ni un scientifique archi-malin. C'est un junkie qui, comme tous les junkies, possède de façon extraordinaire la faculté de ne jamais être honnête. Jamais honnête, mais avec des théories sur la fin du monde pas idiotes. Je vous cite... Peut-être que c'est la loi du plus fort, après tout. Peut-être que le monde en a eu ras-le-bol d'Homo sapiens, qu'il a lâché l'affaire. Le monde, il lui a dit à Homo sapiens, va te faire foutre, c'est fini pour toi. T'as tout foutu en l'air, t'as pissé dans mon eau, pollué mon ciel, violé mes montagnes, construit des monuments à ta propre gloire sans jamais réfléchir à long terme. Alors maintenant, dégage. Et boum, apocalypse. Exactement ce qu'on craignait depuis qu'on est descendu de notre arbre. La peur viscérale de l'extinction, la crainte de devoir laisser notre place au prochain sur la liste, les zombies. Jamais honnête. Et encore, pourtant, fou d'amour pour son ex-petite amie, Kay, junkie elle aussi. Parce que oui, déchirée, c'est aussi une histoire d'amour. Chase aime Kay, il veut la sauver de la fin du monde. Il lit d'elle des choses pas communes, qu'elle est trop maigre, avec des tout petits seins, un gros nez, et qu'à ses yeux, elle est parfaitement imparfaite. Bref, ça commence par un rire, ça finit par une boule dans la gorge. Donc là, forcément, je vais plus avoir les mots. Mais Richard Ashcroft, le chanteur de The Verve, lui, les a dans un titre qui me semble assez révélateur, The Drugs Don't Work. All this talk of getting old, it's getting me down, my love. On pourrait dire que c'est la BO du livre. Ouais, c'est la BO du livre. Et donc le livre, vous le déconseillez en fait? Non, non, mais non, au contraire. Mais j'ai pas bien compris. Ça m'a vraiment pas donné envie de le lire. Mais non, c'est... Non, on a senti votre enthousiasme pour ce livre. C'est drôle. Mais bien sûr. Mais ça fait peur. On est proche de qui? On est entre Stephen King et Bukowski. C'est comme si The Walking Dead rencontrait Breaking Bad. Voilà. Est-ce que vous avez lu un bouquin de Philip K. Dick, je me rappelle plus très bien, qui s'appelait Substance Mort? Il y a toute une histoire de drogue aussi, c'était assez génial parce que c'est genre, il est policier aussi, il doit enquêter sur des gens qui prennent de la drogue, etc. Et je sais plus comment ça se passe, mais du coup, il se retrouve, en étant complètement paranoïaque, à enquêter sur lui-même, en fait. C'est-à-dire qu'il est, à la fin, il s'observe lui-même, il se dédouble, c'est la schizophrénie, tout. C'était assez étonnant. Oui, Juliette Arnaud, c'est en trois phrases, on a lui-même. Compris le livre. Mais vous, on a mais rien si, changé. On a compris, mais si. Je pas Juliette Arnaud. Il s'espionne lui-même, mais il fait plus le lien. Enfin, Rappelez-nous les références du livre. Alors, en plus, c'est un bouquin de tournée, hein, Thomas, parce que c'est chez Pocket. Donc, en plus, ça coûte pas cher et ça prend pas beaucoup Déchiré, de temps. Déchiré, ça me parlait, mais Déchiré de Peter Stenson. Et donc, ça a suscité une émotion chez vous. Mais j'ai ri, et puis après, j'ai ri, et vous avez pleuré. C'est un mélange c'est de deux. Ben voilà, mais bien sûr. Il vous embête, mais vous inquiétez pas, je vous mauvaise personne, Alexis. Merci, Juliette Arnaud. Allez, avec vous, Thomas Dutronc, on aborde le troisième sujet. La France républicaine s'aperçoit qu'elle est une usine à dynastie et qu'il existe une génération VIP formée dans les mêmes lycées et des lycées qui les surprotègent. C'est pas contre et vous, hein. Non, mais et où le passe-droit est une évidence. Madame Tuche, monsieur Tuche. J'ai bien étudié votre demande d'inscription pour votre fils Donald et je suis au regret de mettre mon veto. Un veto? C'est quand même pas un chien, ce serait pas mieux un pédiatre. Monsieur Van Brick. Excusez-moi, Van Brick. C'est belge ça, non? Non, parce qu'on a notre cousin qui est routier, Michel. Ben, il va souvent à Bruges et il nous dit c'est très beau. Vous êtes des amis des Belges, hein, je le sens bien. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Hein. Écoutez voir, monsieur Brick. Au nom de l'amitié franco-belge, donnez-lui sa chance, s'il vous plaît. T'as vraiment une bonne bouille, toi, dis, hein. Je t'offre 90 jours à l'essai, mais pas un de plus. Isabelle Nanty et Jean-Paul Rouve dans Les Tuches. Alors, il y a un livre qui sort qui s'appelle Fils et filles 2, une enquête sur la nouvelle aristocratie française. Anne-Noémie Dorion et Aurore Gorius, c'est aux éditions La Découverte, et il y a les bonnes feuilles dans l'Express, avec des tas de photos de dynasties. Il y a les Higelin, les Giraudot, Huppert, Zidane. Vous n'êtes pas dedans, en tout cas pas dans les bonnes feuilles. On n'a pas encore lu le bouquin. Je sais pas, j'ai dû refuser ça. Ils ont dû me demander de faire des entretiens. Je suis pas sûr qu'ils aient demandé au Sarkozy. Mais là, parce qu'ils sont dedans. Vous étiez dans quel collège ou lycée à Paris, vous, Thomas Dutronc? J'étais... ma mère voulait me mettre à l'Alsacienne, qui est un truc... Ah voilà, c'est dedans. Hein, privé... privé laïque. Ouais. Mais alors, là, donc du coup j'étais au collège Sébigné, ça s'appelait, dans le 5e arrondissement. C'est pas dedans. Alors l'école alsacienne, voilà, prolifération de filles et fils d'eux, qui entraîne des égards bien particuliers. Et alors, ils sont briefés là-dessus, ils sont très très regardants pour les risques de kidnapping d'enfants de famille en vue. Est-ce que c'est pas vous avez déjà été menacé par... Mais moi, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, je suis né sous Pompidou, donc c'était vraiment une autre... C'était pas la mode. C'était vraiment une autre époque. On pouvait se balader, on pouvait aller... Moi, je rentrais chez moi à pied, étant tout petit, enfin, il n'y avait pas de... Mais en tout cas, pour revenir à tout ça, les côtés dynastie, etc. Moi, en tout cas, dans ma famille, c'était l'anti-piston, mais alors absolu. Hein, c'est-à-dire que vraiment... Ah, le mérite républicain, alors. Je sais pas, oui. J'ai fait tout seul. Je faisais mes devoirs tout seul. Après, j'ai fait mes études tout seul. J'ai choisi la guitare un peu tout seul. J'ai dit à mon père, putain, chez un copain, là, j'avais une guitare, j'ai vachement bien aimé. Tu veux pas me montrer des trucs? Il a fait, oh, bah, t'as qu'à écouter la radio et faire pareil. Enfin, je veux dire, niveau zéro piston. Et, mais du coup, c'est, et puis j'étais dans un état d'esprit d'ailleurs très con de me dire, il faut vraiment que je réussisse par moi-même. Enfin, je prenais vraiment l'opposé, c'est-à-dire que j'allais trop loin dans le côté. Ah oui. Mais par réaction. Ouais. Par réaction. Ouais, ouais. Par réaction, l'inverse. C'est-à-dire, je me disais, si je suis téléporté au Japon, c'est ce qui est quand même rare, mais j'avais envie d'être quelqu'un. J'avais envie d'être quelqu'un, d'avoir un prénom sans. Enfin voilà, j'avais pas envie de profiter de connexions. De toute façon, on n'a jamais été très showbiz dans ma famille. Ils ont des vrais amis comme ça qui en font partie, mais c'était pas vraiment les mondanités. Mais des familles génération VIP. C'est comme ça que vous avez connu M. Fait un film, parce que ma mère adore les chansons, adore du coup les chanteurs. Elle aimait beaucoup Louis. Elle était amie avec lui. On était voisins. Mais ne vous justifiez pas. Hein. Non, mais on était voisins dans le 14e, on jouait ensemble. Jouez voilà, de la guitare pour voir. Mais c'est sûr, et c'est le côté pas aristocratie, c'est le côté village sympa qui peut exister quand même encore, et voilà, j'espère, donc, dans les grandes villes. Donc un contrepoint à cet article et à ce livre, vous pouvez lire l'article dans l'Express. Pas que les artistes, hein, on parle beaucoup des politiques aussi. Oui, c'est l'heure du sketch, Ah. Tous les jours, on donne à notre invité un sketch. Attention, vous avez le rôle de Thomas Dutronc. Ah, ouais, c'est pas trop compliqué. Alors, où il se passe? Il s'avère que des stages de déradicalisation destinés aux islamistes seront bientôt proposés à Mulhouse. Et on assiste à une réunion préparatoire. D'accord. On s'y rend tout de suite. Alors Thomas, on a pensé à vous pour l'atelier de thérapie musicale. Je suis très flatté. Ouais, on a pensé à vous parce que comme votre père habite en Corse, ouais. Le terrorisme, tout ça, vous connaissez. Ouais. On peut pas vraiment comparer. Ah, mais... ah bon, pourquoi? En Corse, les bâtiments qui explosent sont les plus récents. Ah, ouais. D'accord. Ouais, voilà. Alors, surtout, on avait pensé à vous pour parler à ces jeunes qui aiment le voyage, parce que vous faites de la musique manouche, quoi. Donc, Ah, c'est gentil. Ouais, ouais. Et comme Kenji Girac n'était pas disponible. Vous vouliez Kenji? Ouais, ouais. Enfin, disons que lui, les jeunes savent qui c'est, quoi. Mais vous, ce sera très bien, vous inquiétez pas. Alors, il faudrait faire une chanson qui leur redonne envie de vivre. Vous avez ça en stock? Ben non, vous n'avez pas écouté mes albums? Bah, au moins quelque chose pour qu'ils changent d'avis et qu'ils partent pas rejoindre Daesh, quoi. Bah, y aurait un truc avec ma chanson J'aime plus Paris, je peux peut-être changer les paroles. Ah, ça donnerait quoi? Vous pouvez me le fredonner? Ça serait J'aime plus Daesh, quoi. Alors comment ça? Là, je peux pas chanter ça, c'est terrible. Après, on va me le ressortir tout le temps dans les documents dans 10 ans. Alex, vous aurez que vous voulez... Ouais, j'aime plus Daesh, on meurt partout, ça me fait yesh. On perd la tête sous les burkas, je veux faire la fête, pas vivre selon la charia. Ah ouais, ouais. Ouais, j'aime bien Thomas, c'est pas mal, ouais, ouais, ouais. Ah, bah voilà l'autre. Bonjour Christophe, tu lui proposes quoi? Parce qu'il n'y a pas que moi alors comme candidat, il y a aussi... Bah non, ouais, ouais, bah vas-y Christophe. J'ai un truc génial. On se détache et on fait la paix. Je suis pour l'amour et pour le respect. Ouais, non, attends, ouais, non, moi-même j'hésite à prendre les armes, hein, là, tout de suite, merci. Bon, Thomas, engagé, hein. Eh bah, génial. Ouais, alors je dois juste vous dire une chose. Oui. Vous serez accompagné d'un pianiste. Parfait. Bah, ce sera André Manoukian. Ah non, parce que non, les bonnes œuvres, je veux bien, mais là, c'est trop, là. Merci Thomas Dutronc d'avoir joué. C'était écrit, hein, je ne le pense pas du tout. Les auditeurs sont au courant. Oui, vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas contre Daesh, on le rappelle. Vous respectez tout le monde. Ouais, tout le monde est gentil. Voilà. Faut les comprendre. Thomas Dutronc, son nouvel album Éternel jusqu'à demain. Si vous voulez en connaître la substantifique moelle, écoutez-le ou réécoutez la chronique d'André Manoukian. Il y a eu des annonces sur Radio France, donc on risque peut-être de vous réentendre dans les prochains jours sur les antennes. Vous serez le 30 novembre à Lille au théâtre Sébastopol, le 1er décembre à Tours, le 3 décembre à Bruxelles, le 9 à Angers, et puis il y aura aussi des dates à venir en 2016. Merci d'être resté avec nous, merci. Thomas Dutronc. Merci Guillaume Meurice, Juliette Arnaud, André Manoukian, Alex Vizorek. Le mot de la fin est dédié aux chômeurs. Acheter les quotidiens du soir, c'est plein de demandes. Offre d'emploi, qu'ils appellent ça leur piège à bagnard.